Bonjour mes frères et sœurs, et nous continuons ce matin notre étude de l'Épître aux Hébreux, chapitre 7. Et nous allons voir encore la grandeur, la magnificence de notre grand prêtre, que notre grand sacrificateur, Jésus. Notre Père du ciel, il est bon d'être fortifié, d'être édifié, d'être stimulé par ta parole. Seigneur, nous voulons appuyer notre désir de la vie chrétienne sur ta parole. Non pas ce que les hommes ont dit, non pas ce que nous voulons, non pas ce que nous désirons, mais ce que ta parole a dit. Seigneur, garde-nous de se détourner de la vérité qui est en Jésus. Seigneur, nous allons voir ce matin que tu veux nous encourager, tu veux nous fortifier par le fait que tu as juré, que tu as fait un serment. Et nous voulons, Seigneur Dieu, que ce serment que tu as fait puisse nous attacher au Fils d'une façon encore plus forte et plus grande. Et c'est en son nom que nous te prions. Amen. Je résume encore ce que nous avons vu par rapport à Jésus prêtre. On a vu qu'il est prêtre, et pour être prêtre, il fallait qu'il soit un être humain, comme ses frères. Et des fois, je dis prêtre, mais j'espère que vous comprenez que je parle de grand prêtre, de souverain sacrificateur. Ensuite, on a vu qu'il était un grand prêtre spécial par le fait qu'il était le Fils de Dieu, donc homme et Dieu, parce qu'il faut être deux natures quand tu veux être médiateur entre deux natures, nature humaine pour les hommes, nature divine pour Dieu. Donc, si tu veux être le médiateur entre deux choses qui sont pas de la même nature, il faut que toi-même tu aies les deux natures. Donc, on a vu ça au chapitre 2 et au chapitre 4. Et au chapitre 5, nous avons vu que ce sacrificateur qui est plus grand que Aaron, est un sacrificateur parfait. Les prêtres font des sacrifices pour les hommes parce qu'ils sont des pécheurs, qui les mettaient un obstacle entre eux et Dieu. Le prêtre faisait le sacrifice d'un agneau pour rendre les hommes acceptables aux yeux de Dieu. Mais le grand prêtre lui-même devait faire des sacrifices pour lui, parce que lui aussi est un pécheur. Mais l'auteur dit au chapitre 5 que Jésus, le sacrificateur selon l'ordre de Melchisédec, lui, n'offre pas de sacrifice pour ses propres péchés parce qu'il est sans péché. Il obéit à Dieu. Il dit qu'il a été rendu parfait à cause de sa piété. Vu qu'il était sans péché, qu'il avait toujours obéi à Dieu, il était rendu parfait en tant qu'être humain Dieu, être humain divin. Il était rendu parfait, non pas qu'il était imparfait avant, mais il était rendu parfait pour faire le rôle de souverain sacrificateur, de médiateur entre Dieu et les hommes. Vous comprenez? Il faut qu'on comprenne ça, que Jésus devait avoir les deux natures, et que, parce que les gens, les deux groupes qui doivent faire la médiation sont deux groupes distincts, divins et humains. On a vu aussi ensuite au chapitre 7, pourquoi l'auteur utilise le psaume, pas le psaume, mais Genèse chapitre 14, et il démontre que les sacrificateurs selon l'ordre de Melchisédek sont supérieurs aux sacrificateurs selon l'ordre d'Aaron, tout simplement parce que Melchisédek a béni Aaron en Abraham, et Aaron a donné la dîme à Melchisédek en Abraham. Donc, Abraham et tous ses descendants sont ici, et Melchisédek les bénit, et eux autres, les bénis de la part de Dieu, bien entendu, et eux autres payent la dîme, et louent Dieu, glorifient Dieu en donnant la dîme, et parce que Melchisédek est le médiateur entre les deux. Un béni de la part de Dieu, et l'autre loue de la part de Dieu à travers Melchisédek, qui est le médiateur. Et la dernière chose qu'on a vue hier, c'est que la loi et le sacerdoce ne pouvaient pas amener à la perfection. Donc, mais Melchisédek, lui, qui est différent, et non pas sous la loi mosaïque, mais Jésus, Melchisedec, a aussi une nouvelle loi, nouvelle façon de faire, nouveau sacrifice. Lui peut amener à la perfection. Ce que Aaron n'a pas pu faire, Jésus a pu le faire. Et on a vu ensemble, il faut pas l'oublier, quand il y a un changement de grand prêtre, il y a un changement de loi. Nouveau prêtre, nouvelle loi. Ancien prêtre, ancienne alliance. Nouveau prêtre, nouvelle alliance. On peut pas mélanger les deux, ça va pas ensemble. Ce que la loi a pas pu faire avec Aaron, amener à la perfection, Jésus le fait avec la nouvelle loi que lui a établie, la nouvelle alliance. Ce matin, on va voir la suite à partir du chapitre 7, verset 20. Et cela n'a pas eu lieu sans serment, car les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment. Mais Jésus l'est devenu avec serment, car celui qui lui a dit, le Seigneur a juré, et il ne se repentira pas. Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisedec. Jésus est par là même le garant d'une alliance plus excellente. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. L'auteur ici continue à interpréter le psaume 110. C'est du psaume 110 qui avait tiré les versets 11 à 19 et en disant, l'Éternel a dit à mon Seigneur, tu vas être prêtre selon l'ordre de Melchisedec pour toujours. Et dans le psaume 110, il dit, ce que le verset 21 dit, le Seigneur a juré et ne se repentira pas. Tu es sacrificateur pour toujours. Le mot juré, c'est là qui tire le verset 20. Il a fait un serment. Il a juré. Nous, on a fait tout un char au début de notre vie chrétienne. On ne devait pas mettre la main sur la Bible. On n'avait pas juré. On n'avait pas juré. Mais ici, Dieu jure. Et il ne peut pas jurer par un plus grand que lui. Donc, il jure. Il dit, je jure, et il ne se repentira pas, tu es sacrificateur pour toujours. Il dit, verset 21, car les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment. Mais Jésus devient sacrificateur avec un serment. Quelle différence ça fait? Sont devenus sacrificateurs, et on va voir plus loin, qui n'ont pas maintenu l'ancienne alliance. Il dit, Dieu va dire au chapitre 10, vu qu'ils ne se sont pas souciés de mon alliance, moi aussi, je les ai rejetés. Mais dans la nouvelle alliance, il y a un engagement personnel de la part de Dieu, que lui, je, il n'y en aura pas d'autres prêtres. Il n'y aura pas d'autres alliances. Donc, Dieu s'engage personnellement à ce que la nouvelle alliance va fonctionner, va amener à la perfection. Et si elle amène à la perfection, on peut pas en mettre un autre. La première n'a pas emmené à la perfection, et c'était pas son but d'amener à la perfection. Elle avait un autre but, c'est de nous emmener à celle qui pouvait nous amener à la perfection. Donc, il dit, elle, l'on a vu hier, elle, la nouvelle alliance, Jésus, souverain sacrificateur selon Melchisedec, peut nous emmener à la perfection. Donc, il ne pourra jamais en avoir un autre. Si c'est parfait, on n'a pas besoin d'autre. L'ancienne alliance n'était pas parfaite, donc on avait besoin d'un autre. Dieu a fait un serment. Dieu a juré. Je le jure, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisedec. Donc, son sacerdoce n'a jamais de fin. Il ne sera jamais remplacé. Il ne sera jamais changé. Nous allons voir demain que il y en a qui, les sacrificateurs, selon Aaron, devaient changer parce que la faiblesse faisait partie de lui, le péché faisait partie de lui, donc il mourait. Mais Jésus étant fils de Dieu, sans péché, nouveau sacrificateur, sacrificateur parfait à Melchisedec, lui ne mourra jamais, donc il va être là pour toujours, il va jouer son rôle de sacrificateur pour toujours, jusqu'à la fin des temps. Et il est dit au verset 22, Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. Donc, Jésus amène une alliance, ou les médiateurs d'une alliance, plus excellente, meilleure, supérieure. Pourquoi? Parce qu'il y a un serment. C'est tellement important. Le serment, c'est Dieu qui le fait. C'est Dieu qui s'engage. Dans l'ancienne alliance, il y avait, si vous faites ceci, je veux faire cela. Mais dans la nouvelle alliance, Dieu prend un sacrificateur parfait qui va offrir un sacrifice parfait et Dieu s'engage, lui. Je jure, moi. C'est moi qui est responsable. Je jure, moi, qu'il n'y aura pas d'autre sacrificateur, il n'y aura pas d'autre sacrifice. Ça va être la perfection. Je m'engage, moi, à ce que ça fonctionne. Et on va voir ce qu'il va faire au verset 10, chapitre 10 pour que ça fonctionne parfaitement. Mais il dit, donc, cette nouvelle alliance qui a été amenée par le nouveau sacrificateur qui est Jésus est plus excellente, meilleure, supérieure. Donc, pourquoi est-ce qu'on voudrait retourner en arrière quand nous avons une alliance plus grande et plus excellente? Verset 23, de plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Donc, il dit quoi? Les sacrificateurs meurent. Aaron est mort, ses fils ont pris la relève, ses fils sont morts, et ainsi de suite, juste de suite, tout le temps, tant que le temple n'a pas été détruit, il y a eu des souverains sacrificateurs. Mais pourquoi est-ce qu'on devait changer de souverain sacrificateur? Parce que la mort les empêchait d'être permanents. Pourquoi mourraient-ils? Parce qu'ils péchaient. À cause qu'ils ont fait des sacrifices pour eux-mêmes, ils prouvaient qu'ils étaient des pécheurs. Et la mort qu'ils subissaient démontrait aussi qu'ils étaient des pécheurs. Mais, dit-il au verset 24, lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Il demeure pour toujours, parce que la mort ne peut pas l'atteindre, il est parfait. Il est parfait. Oh oui, vous allez peut-être dire, oui, il est mort, mais il est ressuscité, il est revenu à la vie. Il est un sacrificateur parfait. Donc, automatiquement, il ne peut pas transmettre son sacerdoce à quelqu'un d'autre. Il est toujours là. Il est là pour toujours. Il va faire son rôle de médiateur jusqu'au retour du Seigneur, l'établissement des nouveaux cieux et nouvelles terres. Son mandat est perpétuel. Donc, on n'a pas besoin aujourd'hui de prêtre pour s'approcher de Dieu. Et les chrétiens n'ont pas besoin de prêtre, de nouveaux prêtres pour s'approcher de Dieu. Notre prêtre qui nous a emmenés dans la présence de Dieu, c'est Jésus-Christ. Il l'a fait une fois pour toutes. Maintenant, on se présente dans la présence de Dieu à cause de ce que Jésus-Christ a fait pour nous à la croix. Donc, nous avons accès maintenant à Dieu pour l'adoration, pour le service, pour les louanges, pour les prières, à cause de ce que Jésus-Christ a fait dans le passé. C'est à cause de lui que nous pouvons nous présenter devant Dieu. Et lui étant toujours vivant, on n'a pas besoin de d'autres prêtres, d'autres sacrificateurs, de d'autres sacrifices. Donc, du moment qu'il nous met en relation avec Dieu par sa médiation, par son sacrifice parfait, nous, s'étant repentis et ayant cru, on a accès à Dieu maintenant pour l'éternité. On n'a plus besoin de prêtres. Le prêtre a fait son rôle. Il nous a mis en présence de Dieu. Et maintenant, nous sommes là en tant que fils et on peut parler avec Dieu. C'est ce que je crois que Jésus voulait dire dans le chapitre 16 de Jean. je ne prierai plus pour vous, car vous prierez vous-même le Père, parce qu'on va être en présence du Père. Il n'y a plus rien qui va faire obstacle entre le Père et nous. On a eu besoin d'un prêtre, parce que le péché était là. Mais le péché étant enlevé, maintenant on peut passer directement au Père dans nos prières. Et notre adoration, notre louange, notre service. Mon frère et sœur, il y a eu un serment de fait. Je le jure. Je le jure. Je le garantis. Je me repentirai pas de cela. Je me repentirai pas. Donc, si on s'attache à ce prêtre-là, par la foi, il va jamais nous abandonner, il va jamais nous lâcher, et il va nous emmener à la perfection. Notre bon Père du ciel, tu nous as donné ici une garantie très forte. Toi qui es parfait. En plus d'avoir dit, d'avoir fait la promesse, d'avoir juré, de nous avoir dit que tu enverrais un autre Melchisédek. Tu jures. Tu t'engages. Devant tout le peuple, ton peuple, qu'il n'y aura plus jamais d'autre sacrificateur. Et que la nouvelle alliance, elle est excellente, parfaite, perpétuelle. Oh, nous te bénissons pour un tel grand prêtre qui nous a permis d'être en ta présence 24 heures par jour, 7 jours par semaine, pour toute notre vie et pour l'éternité. Merci Seigneur Jésus, que tu as bien voulu accomplir tout cela pour nous.